Les drames de Lambesc par Jean d'Arrigue. Chapitre 1er. Le soleil inonde le port de Marseille en ce matin de printemps 1937. Adrien Brossard revient au pays après 4 années d'infamie au bagne de Saint-Laurent du Maroni. Il avait eu de la chance de ne pas être sur l'île du diable, réservée aux détenus politiques et sur laquelle les prisonniers vivaient dans un quasi-abandon loin de tout. Un léger mistral caresse ses joues tachées de barbe mitée. Sorti depuis peu de l'obscurité de la cale, il doit plisser les yeux pour admirer l'aspect squelettique des collines de Marseille. Il aperçoit sur sa droite le fort du château d'If et plus loin dans le fond la bonne mer, ainsi que les 4 pattes métalliques du pont à transbordeur qui s'étire entre les 2 forts Saint-Jean et Saint-Nicolas. Il a passé 4 années à se méfier même de son ombre. Être sur le qui-vive, la nuit comme le jour, protéger jalousement la moindre provision, le plus petit mégot, craindre les colères des gardes pour un oui ou pour un non. Sans compter les appétits sexuels de certains détenus complètement dévoyés. La chaleur, la crasse qui vous sert de 2e peau, le moindre bobo qui s'infecte et fait souffrir pendant des jours et des jours. Il a supporté tout cela et finalement en est sorti victorieux, respecté de ses camarades de chaîne et servant d'exemple aux nouveaux venus. Ses connaissances et son éducation avaient repris le dessus et même le chef de camp lui demandait quelquefois conseil. D'un côté, il a l'impression d'avoir quitté la France hier, et d'un autre côté, il lui semble qu'il s'est écoulé 1 siècle depuis son arrestation. Jusqu'au dernier moment, il n'avait pas cru à sa condamnation à 7 années de bagne pour l'assassinat d'une grand-mère de Lambesc. Il avait foi dans les institutions de son pays et croyait dur comme fer que la justice et le bon droit finiraient par triompher et qu'au bout du compte, un innocent ne serait pas condamné. Douter de la justice, c'était contraire à son idéal républicain et sa foi citoyenne. Il avait beau clamer haut et fort son innocence, l'appareil judiciaire l'avait finalement broyé comme un vulgaire fétu de paille. Du jour au lendemain, il était passé de la position d'homme respecté, craint et apprécié pour ses conseils avisés à celle d'un paria auquel on n'aurait pas même confié son chien. Sa première réaction avait été la colère, sa fierté prenant le dessus, mais bien vite, les regards, les mots secs et la brutalité des gendarmes avait fait de lui une petite chose versée au gré des interrogatoires et des détentions. Lorsqu'on a l'habitude d'être vouvoyé, se faire rappeler par des « Oh, toi, là !» supporter qu'on ne réponde pas à vos questions, comme si vous étiez muet ou transparent, tout cela vous donne un sacré coup au moral et à l'image de soi. Les gendarmes, le juge, le procureur s'étaient raconté dès le départ une histoire à laquelle ils avaient cru mordicus, et tous les interrogatoires, les témoignages n'étaient pris en compte que s'ils étaient à charge et qu'ils correspondaient au scénario écrit d'avance. Il fallait condamner ce laïcard, ce radical socialiste, cette cervelle dont les pensées étaient forcément contraires à l'ordre établi. Au départ de l'affaire, plus de la moitié des gens lui étaient favorables et clamaient son innocence, mais ses détracteurs avaient fini par retourner l'opinion. Il avait finalement quitté le village sous les huées et les crachats. Qu'aurait dit sa mère s'il avait été encore en vie? Cela l'aurait certainement achevé, la pauvre. Dernier né d'une famille de 3 garçons, Adrien avait vu disparaître son père en 1914. Son frère aîné en 1916, puis le cadet en 1917, tombaient tous deux sous les balles allemandes, chacun étant mort tout juste à l'âge de ses 20 ans. Les oncles et cousins avaient également été tués, si bien que dans cette région des Basses-Alpes, il ne restait pratiquement que des femmes. À l'âpreté du pays et du quotidien, s'était ajouté le chagrin, et un sentiment incommensurable d'injustice. D'aussi loin qu'il put remonter, Adrien n'avait jamais vu sa mère habillée autrement qu'en noir. Même son tablier était noir. Seul mal rescapé de la famille, il avait fait l'objet de soins jaloux de la part de cette armée de femmes courageuses. Mais cette sollicitude constante avait son revers, l'exigence de réussite qu'avaient placée ces femmes dans le seul mal qui leur restait. Il avait mis un point d'honneur à bien travailler à l'école et s'était fait le serment de s'occuper de sa mère à sa majorité. Après l'examen des bourses, il avait pu préparer l'école normale où il avait été admis. C'est là qu'un mardi, il s'en souvient encore, le directeur le fit appeler pour lui annoncer, sans aucune précaution oratoire, le décès de sa mère, emporté par une attaque cardiaque. Le monde s'était effondré sous ses pieds et à 17 ans, il se retrouvait seul dans l'existence. À partir de ce moment, il était devenu un élève brillant mais difficile à canaliser. Comme beaucoup d'autres, sa famille s'était réduite à rien, mais il n'arrêtait pas de penser que décidément le destin lui en voulait. L'assassinat de cette vieille qui lui avait valu sa condamnation restait pour lui un mystère. Il ne l'avait vue qu'une fois. Il lui avait rendu visite pour lui parler de son petit-fils Yves Pinard, qui montrait de grandes dispositions pour les études et qui pouvait réussir pour peu qu'on l'aidât. Brossard était disposé à le préparer à l'examen des bourses et il voulait obtenir l'accord de sa grand-mère qu'il élevait après la mort des parents. L'entretien s'était déroulé de façon courtoise et la vieille mamée, rouge de plaisir et de reconnaissance, avait promis d'étudier sérieusement la proposition avec son frère de salon. Le lendemain de cette visite, la grand-mère était retrouvée dans sa cuisine, baignant dans une mare de sang, la tête fracassée. Certes, des gens témoignèrent à la gendarmerie qu'ils avaient vu Adrien entrer et sortir de chez la vieille, et Brossard reconnut bien sûr avoir rendu visite à Madame Pinard. Mais malgré ces explications et vu la conjoncture politique, les radicaux socialistes ayant refusé de participer au gouvernement, il faisait un suspect idéal en sa qualité de directeur d'école de la République et de socialiste notoire. L'assassinat du président Doumer par Gorgulov avait aiguisé les dents des tribunaux. De plus, le fait qu'Édouard Herriot, président du Conseil, ait substitué au ministère de l'Instruction publique celui du ministère de l'Éducation nationale avait énervé les conservateurs. L'enquête des gendarmes ne donna rien de nouveau et le juge devant lequel Adrien avait été déféré était trop heureux de pouvoir s'attaquer à quelqu'un d'autre qu'un fou ou un ouvrier. À partir de là, l'enquête s'était déroulée uniquement à charge. On avait ressorti ses nombreuses punitions dans l'armée pour refus d'obéissance. On avait remonté dans son passé de collégien et de normalien qui lui avait valu une réputation de forte tête. On avait analysé son échec conjugal. Même ses excellents états de service et les protestations de l'inspecteur d'académie n'avaient pu le sauver. Il fut donc condamné à 7 ans de travaux forcés seulement, eu égard aux preuves pratiquement inexistantes du dossier. Bien évidemment, il fut radié des cadres de l'enseignement et mis au banc de la société. Il put malgré tout conserver la petite maison qu'il avait dans le village. Sa voisine Mireille, qui avait toujours cru à son innocence, lui avait promis de garder le logis et de l'entretenir en attendant sa libération. 4 ans après la condamnation de Brossard, un homme fut arrêté pour vagabondage. Devant son attitude peu claire, les gendarmes le cuisinèrent et furent étonnés de l'entendre avouer de meurtres pour vol, dont celui de Madame Pinard. Tapi dans l'ombre de la rue, le vagabond avait attendu que Brossard sortît et s'était introduit chez la vieille. Sans autre forme de procès, il lui avait fracassé la tête avec son bâton et commençait à farfouiller dans la pièce quand il avait été interrompu par du bruit dans la rue. Son réflexe fut d'éteindre la lampe à pétrole et d'attendre sans bouger dans le noir. Jugeant son affaire mal emmanchée, il s'était éclipsé sans se faire voir, laissant la vieille baignant dans son sang. Pendant ce temps, Brossard était seul chez lui à corriger des cahiers et personne ne lui avait rendu visite dans cette soirée-là. Brossard, pourquoi vous obstinez-vous à ne pas vouloir reconnaître les faits ? Disait le président du tribunal. Mais monsieur le président, je reconnais les faits qui sont des faits et non des hypothèses. Vous voudriez faire passer ma prétendue culpabilité par un fait dont ce n'en est pas un ? Je me tue à vous répéter que je suis innocent de ce meurtre. Quel avantage avais-je à tuer cette grand-mère ? L'argent ? L'enquête a révélé qu'elle n'avait presque rien. Alors, comment l'expliquez-vous, ce meurtre ? Mais c'est à la justice de l'expliquer et non à moi. Vous n'êtes pas capable de démontrer ma culpabilité, alors vous me demandez de faire la preuve de mon innocence. Pourquoi ne me faites-vous pas subir l'ordalie, comme au Moyen-Âge, pendant que vous y êtes ? Son avocat s'arrachait les cheveux. Il avait été jusqu'à proposer à Brossard de plaider la culpabilité sous l'emprise de la folie, puisqu'aucun mobile ne pouvait coller à ce meurtre. À l'écoute de cette proposition, Adrien avait failli étrangler le pauvre avocat. Le plaidoyer de son défenseur ne s'était articulé que sur l'absence de preuves et la bonne notoriété de l'accusé. Il avait donc sauvé sa tête, mais 7 ans de bagne, c'était tout de même lourd pour un innocent. D'ailleurs, le chiffre 7 montrait assez les tractations douteuses de la délibération du jury. En bonne justice, il aurait dû être acquitté, mais la bonne justice existait-elle ? 4 ans plus tard, lorsque l'innocent de Brossard fut prouvé grâce à l'arrestation du véritable assassin, le Front populaire étant parvenu au pouvoir, il était bon pour le chef de la gendarmerie de participer activement à la libération d'un innocent, socialiste de surcroît. Il s'activa donc et le juge lui emboîta volontiers le pas. L'administration avait fait le reste et Adrien Brossard avait vu son procès révisé et sa libération prononcée. Il avait ainsi échappé à sa peine et surtout au doublage qui prescrivait à l'ancien condamné de rester à Cayenne pour une durée équivalente à celle effectuée en détention. Le rapport Albert Londres, qui s'élevait déjà en 1923 contre cette double peine, n'avait encore pu supprimer cette mesure. Aujourd'hui, accoudé au bastingage, il ne ressent aucune joie à s'approcher du sol natal. Ses pensées sont animées par une froide colère et une soif inextinguible de vengeance. Qui lui rendra les 4 années de souffrance qu'il vient de vivre? Même de l'argent ne peut compenser cette perte de vie et de temps. Sera-t-il rétabli dans ses fonctions? Il en doute, vu les lenteurs de l'administration française, et le manque à gagner du salaire non perçu, et le retard dans l'avancement, et l'honneur de la réputation bafouée. Les salauds, bande de salauds! Il va leur faire voir à ce ramassis de pénicules ce qu'il en coûte de bafouer l'honneur d'un homme. 4 ans dans l'enfer du bagne, 4 années de vie perdue pour et par la bêtise des hommes. Plus rien ne lui fait peur désormais, et ce n'est pas quelques bouseux qui vont l'empêcher de lâcher sa rancune et sa colère. Soudain, lorsque le quai se rapproche, il prend conscience d'un sentiment nouveau. Il rentre chez lui, dans un pays où il se considère comme un véritable étranger. Il n'a plus personne ici. Pourquoi Marseille plutôt que Paris ou Le Havre? Simplement parce que c'est là que le bateau le ramène. Pourquoi va-t-il aller à Lambesc plutôt qu'à Nîmes ou à Montpellier? Parce qu'il y possède encore une maison, et selon des automatismes ancestraux, son corps et son esprit le poussent vers son gîte. Ah oui, c'est vrai, il y a Mireille, la seule personne qu'il ira voir et à qui il adressera la parole. Mais à part elle, tous les autres sont des étrangers, et c'est bien ainsi. Dès son enfance, la vie l'a déçu, puis elle l'a trahi. Pourquoi se soucierait-il des autres et compte-t-il la lui apporter? Le bagne lui a appris à se protéger et à penser à soi en premier pour survivre. Il compte bien continuer désormais cette ligne de conduite ici en France. Les hommes l'ont mis à l'écart, eh bien il y restera à l'écart, et pas question de se mêler de quoi que ce soit. Pas question non plus qu'on vienne s'occuper de ses affaires. Il a payé suffisamment cher sa liberté de penser et d'agir.